Me voilà, monsieur. Ai-je mauvaise grâce en femme de chambre? Et vous, mon frère, vous savez de quoi il s'agit, apparemment. Comment me trouvez-vous? Ma foi, ma sœur, c'est autant de prix que le valet. Mais tu pourrais bien aussi escamoter Dorante à ta maîtresse. Franchement, je ne haïrais pas de lui plaire sous le personnage que je joue. Je ne serais pas fâchée de subjuguer sa raison, de l'étourdir un peu sur la distance qu'il y aura de lui à moi. Si mes charmes font ce coup-là, ils me feront plaisir. Je les estimerais. D'ailleurs, cela m'aiderait à démêler Dorante. À l'égard de son valet, je ne crains pas ses soupirs. Ils n'oseront m'aborder, il y aura dans ma physionomie quelque chose qui inspirera plus de respect que d'amour à ce faquin-là. Allons doucement, ma sœur, ce faquin-là sera votre égal et ne manquera pas de t'aimer. Eh bien, l'honneur de lui plaire ne me sera pas inutile. Les valets sont naturellement indiscrets. L'amour est babillard et j'en ferai l'historien de son maître. Monsieur, il vient d'arriver un domestique qui demande à vous parler. Il est suivi d'un crocheteur qui porte une valise. Qu'il entre. C'est sans doute le valet de Dorante. Son maître peut être resté au bureau pour affaires. Oui, Lisette? Lisette s'habille. Et devant son miroir, nous trouve très imprudent de lui livrer Dorante. Elle aura bientôt fait. Doucement, on vient.